Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. J'ai cherché trop longtemps dans la musique les mélodies des airs nouveaux, des sons magiques. Mais pour moi maintenant, c'est sûr, y'a rien de meilleur que le blues qui se fout de mes malheurs. J'ai chanté un peu n'importe où, la vie m'a conduit. Minor Blues par Bill Doerheim. Bill, de son vrai nom Alain Doerheim, est né à Senlis en 1947. Son premier disque, c'est au sein du groupe Backdoor Juke Band en 1973. C'est un album de blues, de folk, avec déjà Jean-Jacques Milteau à l'harmonica, et puis le regretté Alain Giroux à la guitare, et puis Flo Doerheim, sa fidèle compagne au washboard, et puis bien sûr Bill au chant et à la guitare. C'est un album en anglais, à part, je sais plus, il y a peut-être une chanson en français, je crois qu'il y a un petit quelque chose en français quelque part sur le disque, mais enfin c'est principalement en anglais. Ensuite, son premier album, c'est donc Bill Doerheim, hein, sans titre, en 1979, sur le label Argyle. Et c'est la révélation, puisque sur ce disque, il y a Minol Blues, qu'on vient d'entendre, mais il y a aussi Sur ma chaîne bon marché, ça c'est fabuleux, il faut que vous écoutiez ça. Et puis j'adore aussi Le Train Roule et Baba Boogie, très très bon disque, avec les cuivres de Muscle Shoals. Et puis, ça commence l'équipe. Jean-Jacques Milteau à l'harmonica, Jean-Yves D'Angelo au clavier, Pierre O'Fanen à la guitare et Chris Lancry. Il n'y a pas encore mort aux séries, mais ça viendra par la suite. Donc ce morceau, bah, Bill Doerheim l'a proposé en premier titre de son disque. Minol Blues, c'était... Donc maintenant, ben, vous l'avez deviné, ce Blues Covers étant consacré à Bill Doerheim, eh ben, on va passer tout de suite, on saute dans le temps, en 2002, avec Mauro Ceri, La Collectionneuse, le seul morceau qu'il a réussi à composer pour la musique, pour Bill Doerheim. Extrait de son album public live au Cristal. Mauro Ceri, La Collectionneuse. Chercher l'âme sœur, tu as mordu à l'hameçon. Toi qu'on disait plutôt chasseur, elle t'a ferré comme un poisson. Cette âme a voulu que tu meurs, car détruirait sa seule passion. Chercher l'âme sœur, tu te cognes au mur d'une prison, prison glacée pour un rêveur. Son plaisir, c'est la possession. Cette âme-là t'a volé ton cœur pour enrichir sa collection. Tu es devenu papillon, immobile est ta douleur, papillon mort de collection. Cette âme a voulu que tu meurs, tu n'as senti qu'un grand frisson. passion. Et comme la menthe religieuse en sorcellure, elle te dévore par le dedans. Et comme la menthe religieuse, elle te dévore par le dedans. Mauvaise nouvelle, Blues Band. C'est marrant comme nom de groupe, ça. En 2006, ils reprennent Je me sentais mal. C'est un groupe qui nous vient d'Auxerre, mais je crois qu'il n'existe plus, car en cherchant sur Internet, j'ai vu que sur leur site, ils ne donnaient plus de concerts depuis 2016. Mauvaise nouvelle, Blues Band. Dans la rue, sans savoir où j'allais, je marchais dans la rue, soir là j'affichais complet, je me sentais mal, oh mal, si mal, pas bien du tout, je suis allé voir mon meilleur pote. Ça m'a pas servi d'antidote. Je suis rentré chez moi pitoyable. Je me sentais mal. Mal au mal. Si mal, si mal. Pas bien du tout. J'ai rencontré la voisine, à la vue j'avais mon con, pour monter l'escalier, alors là c'était la honte, je me sentais mal. À ce moment je la crois, elle a comme ça j'ai dit ce qui s'appelle plus de narquois. Comme je me sens mal au mal, si mal, pas bien du tout. Thank you. bouteillier avait des petites tasses pour lui plaire en sirotant le thé sur une musique appropriée. Je passerai au tableau. Je viendrai même sentimental. Je lui dirai pourquoi j'ai mal, mal, mal, si mal, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal de se sentir si mal. Bon, bon, bon, bon. Le Pocket Orchestra, maintenant emmené par Dominique Robert, qui nous a quittés en 2004. Et c'est un duo assez étonnant et détonnant, puisqu'il joue de l'orgue de Barbarie, la vielle, l'harmonica. Il chante et il fabriquait lui-même ses cartons pour piloter l'orgue de Barbarie. Le Pocket Orchestra était venu à Blues-sur-Seine en 2002 et il sillonnait les routes de Mantes en novembre, dans le froid et la pluie, avec son orgue de Barbarie monté sur un tricycle. C'était assez étonnant et fort sympathique comme ambiance. Voici leur version de « Faut que je me tire ailleurs », le Pocket Orchestra. Il y a des jours comme ça, c'est pas la frite. Il y a comme un voile dans l'air qui fait que tout est vide. Il y a des jours où les uns ne devraient pas s'y vivre. Cet après-midi, je suis mu pour la claustrophobie. Encore trois plombes à tirer dans ce bureau. Qui me sort par les trous de nez. Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs. C'est pas une vie d'être toujours enfermé. Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs. Dans un avion qui n'est pas en vacances. Comme d'habitude, on ira au ciné. Sûrement pour voir quelque chose de solide. Insolite au moins, ça change les idées. Mais dès que le film est fini, on retombe dans la réalité. Je n'ai pas en partie. Un petit tour du côté du Québec, Canada, le Labaye Band, qui en 2007 a produit un album complet en hommage à Bill Doreham, puisque l'album s'appelle « Te fais pas de Bill ». Pas mal le jeu de mots, pas mal. Et là, bah, j'ai choisi « Plus la peine de frimer », le Labaye Band en 2007. Faut pas que ça nous pèse. À la fin du parcours, bien ou mal dans notre peau, avec ou sans amour, faut lâcher le morceau. Plus besoin d'ailleurs, plus besoin de s'accrocher, plus besoin d'être à l'heure, le temps n'est plus compté. Juste besoin d'un passeport pour une vie nouvelle, où coulent de tous les bords du bon lait et du miel. Ne crois surtout pas que ma chanson soit si elle parle de l'au-delà, c'est à cause d'un artiste qui chantait dans les rues. I'll be alright someday, ça sera super un jour. Lui au moins je l'ai cru, juste parce qu'il y croyait. C'était un vieillard noir, et dans tout ce qu'il chantait, chantant Alléluia avec tous les martyrs. I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright someday. Oh, I'll be alright, tous les bords du bon lait. Et pour conclure ce Blues Covers consacré à Bill Doreham, nous revenons du Québec vers la Bretagne. Yann Lem aime se présenter comme le barde breton du blues. En 2008, il enregistre un tribute to Bill Doreham sous format numérique. Hein, je crois que c'est sorti qu'en MP3. Mais ce n'est pas un extrait de cet album que je vais vous proposer. C'est son dernier EP paru chez Bluesiac qui s'appelle Hommage. Et parmi les différents hommages, il y en a un à Bill Doreham, une composition originale qui s'appelle Merci Monsieur Bill. Yann Lem, bye bye et à la prochaine. J'étais qu'un gamin lorsque j'ai découvert le vinyle incroyable d'un artiste légendaire. Tu m'as chanté le blues, présenté Géraldine, avec des mots poignants, une voix assassine. Merci, Monsieur Bill. C'est ta voix. Merci, Monsieur Bill. Tu m'as montré la voie. Je n'étais qu'un gamin, ce jour-là j'ai compris que pour être saltimbanque, faut en avoir envie. Et que gagner sa vie en jouant de la guitare, comme vouloir bronzer la nuit quand il fait noir. Merci, Monsieur Bill, pour ton blues et ta voix. Merci, Monsieur Bill, tu m'as montré la voie. C'est ta voix. Merci, Monsieur Bill, tu m'as montré la voie. Je ne suis plus un gamin, mais j'ai toujours gardé ce désir, ce besoin de créer, de chanter. Et sur ces trois accords qui m'avaient fait vibrer, à finir ma vie comme tu me l'as montré. Merci, Monsieur Bill, continue de chanter. Merci, Monsieur Bill, pour ton blues sans reggae. Merci, Monsieur Bill, tu m'as montré la voie. Merci, Monsieur Bill. Merci, Monsieur Bill. Merci, hey, Monsieur Bill. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.